Yo, what up? This is Seneca, a.k.a. The Misfit, coming to you live and direct from Maryland, repping Touch One Records. And I'm holding it down right now with my man Venom. Come on, let's bang these dudes in the head one time. You don't rap, you're not a fucking DJ. Vietnam. Time. J'arrive pour foutre mon bordel dans la... Arrive un peu comme une rébellion dans le milieu. Difficile à dire, mais des têtes vont tomber. J'arrive pour foutre mon bordel dans la... Arrive un peu comme une rébellion dans le milieu. Difficile à dire, mais des têtes vont tomber. Est-ce une hallucination, une démonstration? Difficile.